Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Boko Haram, du mouvement religieux au terrorisme islamiste. Le 21 novembre dernier, à Moubi, au Nigeria, un adolescent se mêle aux fidèles près de la mosquée de la ville et se fait exploser. On compte près de 50 victimes. L'attentat n'est pas revendiqué, mais pour tous, il porte la marque d'un groupe, Boko Haram. Depuis plusieurs années déjà, cette organisation terroriste sème la terreur dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. C'est 3 ans plus tôt, au printemps 2014, que le monde découvre Boko Haram après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes à Chibok, au Nigeria. Une vidéo publiée par son leader, dans laquelle il annonce qu'il va marier de force ou vendre comme esclave les jeunes filles, provoque une émotion mondiale et la mobilisation de la communauté internationale. Alors, quelle est l'origine de Boko Haram? Comment expliquer qu'un mouvement religieux local devienne l'un des groupes terroristes les plus meurtriers du monde? Pourquoi le Nigeria, première puissance économique du continent africain, ne parvient pas à l'endiguer? Enfin, quel est l'impact de Boko Haram dans cette région frontalière où sont notamment engagées les troupes françaises? Pour répondre à ces questions, nous recevrons en seconde partie d'émission Marc-Antoine Pérouse de Monclos, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, spécialiste de la région. Il revient tout juste du Nigeria. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Avril 2014, Chibok, une ville située à une centaine de kilomètres au sud de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno, dans le nord-est du Nigeria. Il fait nuit ce soir-là, dans le dortoir du lycée de la commune. Rhoda, Monica, Awa, comme leurs 270 autres camarades, tous âgés de 16 à 18 ans, dorment dans l'établissement. Venues pour la plupart des villages alentours, elles sont ici ce soir parce que demain, il y a examen. Oui, elles sont là, malgré les menaces de Boko Haram, le groupe islamiste qui depuis plusieurs années sévit dans la région. Ses cibles, les écoles, les églises, les chrétiens. Ses méthodes, attaques armées, pillages, assassinats des hommes, enlèvements des femmes. Et pourtant, les jeunes étudiantes de Chibok sont venues parce qu'ici, on a appris à vivre malgré les risques et la peur. L'école, pour ces jeunes filles, représente une rare chance de pouvoir avancer. Mais en ce 14 avril 2014, le silence de la nuit est bientôt rompu par un bruit qui vient, au loin, celui des djihadistes et les cris, des balles tirées en l'air et des villageois qui s'enfuient. Dans la pénombre de la petite ville, les hommes se dirigent vers l'école de Chibok. Ils s'introduisent dans l'établissement, obligent les lycéens à monter dans leur camion et prennent la route de l'Est. Dans la nuit, ces jeunes filles rejoignent le terrible cortège de toutes ces autres femmes ou filles nigérianes enlevées par Boko Haram et dont on est sans nouvelles depuis des mois. Et puis 3 semaines après cet enlèvement, le 5 mai 2014... C'est moi qui ai capturé vos filles et je vais les vendre sur le marché comme des esclaves. J'ai un marché spécialisé dans la vente d'êtres humains et je les donnerai en mariage. Une fille de 12 ans, je la donnerai en mariage. Même une fille de 9 ans, je le ferai. Vous êtes perturbés parce que nous avons enlevé les filles de leur école, mais il faut supprimer cette éducation occidentale. Vous m'avez entendu? Il faut la supprimer. Toutes les filles doivent en partir et se marier. Je vous le répète, bande d'imbéciles, allez vous marier. Les mots d'abord, ce discours sans fin, monologue hallucinant et halluciné du leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau. Le nombre des jeunes filles, près de 200, enlevées à l'école, lieu qu'on imagine toujours préserver des tumultes du monde comme un sanctuaire. La nature des menaces aussi, mariage et conversion de force, marché aux esclaves. L'information est reprise dans la majeure partie des pays occidentaux. Les images ensuite. Dans une seconde vidéo diffusée une semaine plus tard où l'on découvre en arrière-plan les jeunes filles serrées les unes contre les autres, recouvertes d'un hijab noir ou gris qui ne laisse apercevoir que leur visage, apeuré et qui récite le Coran sous la contrainte, signe d'une conversion de force même pour celles qui sont musulmanes. Et Shekau l'a compris, l'enlèvement des filles de Chibok et son retentissement médiatique le placent sur la carte du terrorisme islamique. Alors cette fois, il passe au chantage et il propose de les échanger contre les combattants emprisonnés. Le sort des jeunes filles provoque une mobilisation mondiale. À travers les réseaux sociaux et notamment le hashtag Bring Back Our Girls, rendez-nous nos filles, anonymes et personnalités publiques s'affichent, se prennent en photo un carton à la main avec ce slogan où se mêle l'impératif à la solidarité. Des femmes notamment, à haute responsabilité s'engagent. On voit Michelle Obama participer à la vague de soutien. L'intervention de l'épouse des présidents américains redouble l'impact de la campagne médiatique. Et bientôt, ce sont des manifestations qui sont organisées à travers le monde, comme ici, à Paris. Lynn Renault et Valérie Trierweiler, côte à côte, derrière un même message, sécuriser les chemins de l'école et un slogan désormais mondialement célèbre, « Bring back our girls, rendez-nous nos filles ». Un cri du cœur des femmes du monde entier devant humainement l'inacceptable. Elles servent comme arme de guerre ou comme arme de chantage, donc ça n'est pas tolérable. Donc voilà, ma présence renforce un peu celle des autres. L'écho de la mobilisation est arrivé jusqu'à Abuja au Nigeria. Une de nos équipes s'y est rendue ce matin. Ici, les habitants se félicitent que la communauté internationale soit mobilisée. Je pense que si le monde a des solutions à nous offrir, bien sûr qu'on va les accepter. Nous sommes démunis. Une aide commune est appréciée. Tous les regards se tournent alors vers Boko Haram et le Nigeria. Et les premières questions surgissent. Pourquoi le gouvernement nigérian n'a-t-il rien fait depuis un mois pour essayer de retrouver les jeunes filles? Qu'est-ce que Boko Haram? Quelles sont ses origines, son combat? Pour le comprendre, comme bien souvent, il faut revenir quelques années en arrière. Maïdougouri. En 2002, un jeune prédicateur charismatique musulman de 32 ans, Mohamed Youssouf, commence à se faire connaître, ainsi que le groupe religieux qu'il crée cette année-là autour de son centre culturel et de la mosquée dans un quartier déshérité de la ville, près de la gare. Le nom, Boko Haram. Et ce nom résume le programme du groupe. Qu'on peut traduire par « l'éducation occidentale est un péché » ou « civilisation occidentale interdite ». Première puissance économique du continent, pays le plus peuplé aussi, le Nigeria reste, malgré le retour de la démocratie à la fin des années 90 et la manne pétrolière, un pays tiraillé entre deux pôles. D'un côté le sud, à majorité chrétienne, autour de la capitale économique, Lagos, ses élites financières et politiques qui profitent du développement. De l'autre, le Nord, pauvre, rural, à majorité musulmane. Éloigné des centres dynamiques et de décision, la colère grandit dans la population du Nord. Une colère dirigée en particulier contre le gouvernement national et fédéral gangréné par la corruption. Situation qu'exploite Mohamed Youssouf et son mouvement. De mouvance à la fiste, Boko Haram prône l'instauration d'une république islamique qui appliquerait rigoureusement la charia à l'échelle de l'État fédéral du Borno. Il critique les valeurs occidentales, démocratiques, capitalistes, à l'origine des déviances des élites et appuie son discours par une dimension sociale. Le centre de Mohamed Youssouf est populaire, il accueille et nourrit les orphelins. Dans ses prêches, il s'attaque au pouvoir corrompu. Nous agissons pour répandre l'islam. Nous œuvrons pour son rayonnement. Que le message arrive aux oreilles de tous, car c'est un droit. Dans le Coran, Dieu a dit, les mécréants sont de beaux parleurs. Je vous jure, ce sont des menteurs. Allah a dit, ils ont l'art de bien parler, mais ils ne sont pas honnêtes. Leurs cœurs ne sont pas en accord avec leurs paroles. Au fil des années, l'influence de Mohamed Youssouf et de Boko Haram grandit, notamment auprès des jeunes. Au point que le gouverneur fédéral du Borno, Ali Modou Chérif, compose avec lui pour se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, entre les deux hommes, une sorte de compromis s'instaure. Échange de soutien politique et financier. Et si Mohamed Youssouf se montre virulent dans ses discours, à aucun moment il n'appelle à la violence ou au djihad. Ce pacte tacite entre pouvoir séculaire et religieux s'écroule en 2009. Mohamed Youssouf constate en effet qu'aucune de ses revendications, notamment en direction d'une instauration plus rigoriste de la charia, n'est appliquée. De son côté, Ali Modou Chérif constate avec méfiance l'influence grandissante du prédicateur. Youssouf est arrêté une première fois cette année-là. Emmené à Abuja, la capitale, puis libéré, Mohamed Youssouf est accueilli par des milliers de personnes à son retour de Maïdougouri. L'image frappe les esprits du gouvernement central qui réalise alors la popularité et donc la menace du prédicateur de Boko Haram. Au sein du mouvement, des dissensions apparaissent. Une aile dure, représentée par Aboubakar Shekau, appelle au soulèvement et à l'insurrection armée pour concrétiser les volontés politiques et religieuses de Boko Haram. Jusque-là contenue par le charisme et le rôle de Mohamed Youssouf, la rupture apparaît bientôt inévitable. Et elle survient un jour de juin 2009. À Maïdougouri, un groupe de jeunes fidèles de Boko Haram entre de funérailles à scooter. Ils sont arrêtés et verbalisés par des policiers parce qu'ils ne portent pas de casque, comme l'oblige une loi que d'ailleurs personne ou presque ne respecte. Les jeunes refusent d'obtempérer, la police ouvre le feu et fait plusieurs morts. Mohamed Youssouf réagit à cette tragédie. L'infidèle n'arrêtait pas de tirer, de tirer pour tuer. Ils disent qu'ils ont tiré pour se protéger. Au nom d'Allah, c'est un mensonge. Ils l'ont fait pour tuer nos frères, mais Allah les a sauvés. Ce mécréant de militaire tirait, et nos frères l'ont entendu dire « Je vais les tuer ». C'était quoi déjà ?« Je vais les tuer jusqu'au dernier ». C'est ça qu'il a dit. « Oh, taisez-vous, c'est moi qui fais le sermon ». Au sein de Boko Haram, l'événement fait rejaillir les tensions entre les fidèles. Cette fois, Mohamed Youssouf ne parvient pas à les contenir. Non, des membres de l'aile dure du mouvement prennent les armes pour venger les victimes du drame. Quelques jours plus tard, ils attaquent. Mosquées, églises, hommes, femmes, le déchaînement de violence est brutal. La frange radicale de Boko Haram prend en otage toute la ville de Maïdougouri. La réponse de l'État nigérian ne se fait pas attendre. Jusque-là circonscrit à l'échelle fédérale, le problème Boko Haram prend une dimension nationale. Alors, le président nigérian, Goodluck Jonathan, envoie l'armée. Plus d'un millier de personnes sont tuées, parfois exécutées sommairement en pleine rue. Parmi les victimes, très peu de combattants ou de membres de Boko Haram, mais beaucoup de civils arbitrairement abattus. Quant à Mohamed Youssouf, le leader de Boko Haram, il est arrêté et exécuté dans la foulée. Son corps, inerte et en sang, finit exposé en pleine rue, sans autre forme de procès. Pour les fidèles de Boko Haram, c'est une nouvelle preuve de l'impéritie de l'État nigérian. L'aile radicale de Boko Haram, avec à sa tête son nouveau leader, Aboubakar Shekau, réfugié au Niger, entre dans le djihad et s'attribue un nouveau nom, groupe sunnite pour la prédication et le djihad. En quelques années, d'un mouvement religieux local, on est passé à une insurrection islamiste régionale. En ce mois de mai 2014, l'impact médiatique de l'enlèvement des lycéennes de Chibok provoque une réaction des différents États concernés ou occidentaux. Parmi eux, la France. Le président François Hollande prend la parole. Quand ils traversent les frontières, détruisent les villages et se réfugient au Cameroun, les forces armées nigériennes ne peuvent pas entrer au Cameroun s'ils n'ont pas d'autorisation. C'est pour ça que nous sommes ici, pour voir comment nous pouvons travailler ensemble, avec des équipes communes qui auraient la permission de se rendre dans n'importe quel pays où nous localisons le terrorisme. Le 17 mai 2014, Paris, pratiquement un mois jour pour jour après l'enlèvement des lycéennes, la réponse de la communauté internationale se concrétise. Et il n'est pas anodin de voir la France et François Hollande accueillir ce sommet qui s'ouvre aujourd'hui. Engagée au Mali depuis 2012, l'armée française a dû faire face à des combattants de Boko Haram venus soutenir les djihadistes maliens. Une France confrontée également en 2013, un an avant l'enlèvement des filles de Chibok, à la prise en otage d'une famille de ressortissants français au Cameroun. Alors que les Nations Unies viennent de qualifier le groupe d'organisation terroriste, à l'Élysée, on retrouve autour de la table les cinq pays africains confrontés au même ennemi, Boko Haram. Il y a là le Niger, le Bénin, le Tchad et le Cameroun, frontaliers, enfin et surtout, le principal concerné, le Nigeria, pour qui ce sommet n'est autre qu'un constat d'échec. Que s'est-il passé en 4 ans? Que s'est-il passé pour qu'une révolte locale devienne un enjeu militaire et politique régional et mondial? Face à la dérive terroriste de Boko Haram, Jonathan Goodluck et l'État nigérien ont d'abord répondu par la force, avec l'idée que cette révolte locale serait rapidement matée. Comment voilà. L'armée, mal préparée, éloignée des langues et des coutumes des territoires du Nord, réprime à l'aveugle par décapitations, exécutions. Des exactions qui renforcent la colère de la population contre le pouvoir et qui grossissent les rangs des insurgés. Ainsi, malgré l'état d'urgence instauré en 2013 dans les trois principaux états du nord du pays, le président doit aujourd'hui admettre son échec à endiguer Boko Haram et annoncera ainsi sa reprise en main de la lutte contre le groupe djihadiste. Nous devons nous organiser pour une riposte régionale dans laquelle la France sera partie prenante. J'ai également demandé aux Américains et aux Britanniques d'envoyer une délégation samedi à Paris pour que nous puissions agir ensemble et de manière efficace. Vous savez, le chantage, on est habitué. Il n'y a d'ailleurs pas de confiance à accorder à leurs propres promesses. Il n'y a pas d'échange, en fait, qui sont proposés. Donc, nous devons non pas discuter avec ces groupes, mais les combattre et nous organiser pour que les jeunes filles puissent être retrouvées. J'ai déjà demandé au ministère de la Défense et au ministre des Affaires étrangères de prévoir des experts qui puissent se rendre sur place. Ils y sont. En plus de la coalition armée des pays de la région, les différentes puissances occidentales rendent concret leur soutien. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine envoient des militaires spécialisés dans les opérations de renseignement, proposent de partager leurs informations satellitaires, avec un objectif prioritaire, localiser et sauver les lycéennes de Chibok. Et puis, dans un enjeu plus large, éradiquer Boko Haram dans la région. En réponse, Aboubakar Shekau publie une vidéo en juillet dans laquelle il apporte son soutien à Aboubakar al-Baghdadi, le calife de l'État islamique, et à Ayman al-Sarawi, émir d'Al-Qaïda. Pendant ce temps, on est toujours sans nouvelles des jeunes filles de Chibok. Que deviennent-elles? Et dans quel enfer sont-elles plongées? L'espoir existe puisque, à la suite d'une négociation, Boko Haram a annoncé que les jeunes filles allaient être libérées. Nous avons les informations qui laissent penser que ça pourrait venir dans les heures ou dans les jours qui suivent. Espérons que Boko Haram tienne son engagement de libérer ces jeunes filles. Octobre 2014, voilà 6 mois que les jeunes filles ont disparu. Et comme une rengaine, le pouvoir nigérian depuis tout ce temps annonce leur libération prochaine, toujours remise. Car sur le terrain, la réalité est tout autre. Malgré l'appui des puissances occidentales, l'armée nigériane ne parvient pas à retrouver la trace des jeunes filles, ni à obtenir leur libération. De leur côté, les habitants de Chibok et les familles d'otages ne veulent pas que ce soit l'armée qui s'en occupe. La confiance est depuis longtemps rompue avec les militaires, et puis tous craignent une opération mal préparée et l'exécution des otages. Le président Goodluck Jonathan est de plus en plus fragilisé par le manque de résultats de son intervention. Pendant ce temps, la menace de Boko Haram s'étend. Les attentats répétés font de nombreuses victimes, comme à Kano, Boko Haram frappe la mosquée de la ville. Bilan, plus de 120 morts et 270 blessés. Et puis, après les chrétiens, le groupe s'attaque aux mosquées de la région où les fidèles sont considérés comme des musulmans modérés, donc indésirables. Les enlèvements également continuent. Comme en novembre, dans la ville de Damasak, non loin de Maïdougouri, des centaines de femmes sont de nouveau victimes d'un rapt par les djihadistes. Signe que si les jeunes filles de Chibok ont attiré l'attention des médias, la terrible réalité au Nigeria continue. Malgré tout, l'armée nigériane tente de faire bonne figure. La bonne nouvelle pour les parents des filles est que nous savons où elles sont. Mais nous ne pouvons pas vous le dire. Nous ne pouvons pas commenter un secret militaire. Nous travaillons. Nous allons ramener ces jeunes filles à la maison. Je sais qu'il y a des étrangers qui sont impliqués dans cette guerre. Ils nous combattent. Ils veulent déstabiliser notre pays. Nous devons sauver notre pays face à l'obscurantisme. Octobre 2014, c'est par l'ONG Human Rights Watch que les témoignages sont relayés à travers les médias du monde entier. L'Organisation des droits de l'homme parvient à recueillir les paroles de plusieurs dizaines de femmes qui ont réussi à se libérer de Boko Haram. Parmi elles, 12 des 57 lycéennes qui avaient réussi à s'enfuir quelques heures seulement après leur enlèvement. Les autres jeunes femmes ne sont pas celles de Chibok et elles ont passé plusieurs mois dans le camp du groupe djihadiste. On apprend que si Boko Haram a bien son chef-lieu dans la forêt de Sambisa, près de la frontière tchadienne, il change souvent de camp, gagne les montagnes près de la frontière camerounaise et surtout se réfugie parfois au Tchad ou au Niger. Elle raconte surtout ensuite le terrible destin des jeunes filles enlevées. Elles sont effectivement attribuées aux soldats du groupe, converties de force, violées. Elles sont aussi entraînées au maniement des armes et des bombes. On apprend alors que Boko Haram se sert des jeunes filles comme kamikazes. Après un été où il aura fait irruption sur la scène médiatique et surtout gagné du terrain, semant la terreur dans de nombreuses villes au nord-est du Nigeria, pendant ce temps, à travers le monde, de nouvelles manifestations sont organisées au cours desquelles on entend parfois les témoignages des exactions de Boko Haram dans la région, comme de la part de ce jeune homme à Paris. Ils ont massacré les gens du village, ils ont massacré une centaine de personnes, dont mon cousin et 3 de ses enfants qui ont été égorgés. Ils ont enlevé la femme de mon cousin pour faire d'elle une esclave sexuelle. J'ai pas de la haine, mais j'ai de la rage. Au début, les gens ont minimisé, ils ont cru que Boko Haram, c'était un truc qui se passait dans une région du Nigeria. Et aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Au début de l'année 2015, le conflit dépasse les frontières nigérianes. Au Tchad, de nombreux camps s'étendent à la frontière pour accueillir les réfugiés qui fuient les combats ou l'avancée de Boko Haram. Confronté à cette expansion, le Tchad s'engage dans la lutte. En réponse, le groupe djihadiste lance ses premiers attentats à l'extérieur du Nigeria et vise désormais donc le Tchad ou le Cameroun. Au début de l'année 2015, le conflit s'étend désormais sur plusieurs pays, différents pays qui doivent absolument coordonner leurs forces pour lutter contre l'extension de Boko Haram. Et de nouveau, des témoignages surgissent au cours de reportages dans ces camps. Quand ils ont attaqué mon village, ils ont tué les hommes et emmené les femmes en leur disant qu'ils allaient les convertir. J'ai couru, et je me suis cachée. Et je suis restée dans la brousse pendant 3 jours, sans eau ni nourriture, et je suis arrivée ici, seule. Sur place, Omar Wadidi Rabiou, responsable de la Croix-Rouge internationale, explique toute la difficulté de la situation. De plus en plus de populations qui arrivent maintenant ne montrent pas une certaine propension à vouloir rentrer chez elles. Parce que la situation sécuritaire s'est particulièrement exacerbée. Tout au long de cette frontière avec le Niger, il y a eu un grand déferlement de violence, des grandes confrontations dans des villes et des villages que ces personnes ont été obligées de fuir. Malheureusement, nous ne voyons pas de signes qui nous montrent une amélioration sensible de la situation. Je dirais que, bien au contraire, ce que nous voyons actuellement, c'est un déferlement de violence, c'est une succession de confrontations armées avec les conséquences sur les populations civiles. Avril 2015, Chibok, nord-est du Nigeria. Chaque jour, depuis un an, elle pose la même question. Où sont-elles? Et tous les jours, depuis un an, les familles de 200 jeunes filles n'obtiennent que le silence pour réponse. Alors, chaque après-midi, depuis un an, elle se retrouve à 16h pour se recueillir, manifester, ne pas oublier. Aujourd'hui, pour le triste anniversaire de la première année du rapt, 219 jeunes filles sont vêtues de rouge, portant chacune une pancarte à la main avec le prénom de l'une des lycéennes inscrites. Pourtant, en un an, la situation a un peu évolué. Goodluck Jonathan a perdu l'élection présidentielle. Et le nouveau président, Muhammad Buhari, qui doit prendre ses fonctions dans un mois, se garde bien de renouveler les erreurs de son prédécesseur. Il explique que malgré les satellites américains et chinois, malgré les avancées sur le terrain, on ne parvient pas à localiser les jeunes filles. Le président nigérian ne sait pas si elles pourront être secourues. En revanche, sur le terrain militaire, il affiche son optimisme. En quelques mois depuis le début de l'année 2015, l'armée nigériane et ses alliés de différents pays frontaliers ont réussi à faire reculer Boko Haram. Il affirme même que le groupe est défait techniquement. Pourtant, sur place, ils sont nombreux à constater que Boko Haram contrôle encore de nombreuses routes, qu'il continue les attentats et surtout qu'il parvient à conserver une base solide. Est-ce une manière de répondre au recul subi par ses troupes ? Quoi qu'il en soit, en mars 2015, Aboubakar Shekau fait une annonce. Un enregistrement audio posté sur un compte Twitter. La voix est celle d'Aboubakar Shekau, le chef de la secte Boko Haram. Il prête allégeance au groupe État islamique et jure fidélité à son leader irakien, Aboubakar el-Baghdadi. Jusqu'à présent, les deux groupes n'avaient aucun lien officiel, même s'ils partagent la même volonté de créer un califat et la même haine de l'Occident. Devenu État islamique en Afrique de l'Ouest, cette allégeance à Daesh illustre aussi un recul. Boko Haram a besoin d'afficher ses soutiens, sa présence. Face à ce reflux militaire et financier, le groupe fait évoluer ses méthodes. Fini le temps des villes conquises et des grandes offensives. Boko Haram décide d'augmenter les attaques kamikazes. Enfants, bombes, en majorité des jeunes filles. Droguées, elles sont envoyées dans les villes, sur les places, aux abords des églises et des mosquées, une ceinture d'explosifs autour de la taille. Les terroristes savent que les enfants passent inaperçus. Au barrage et checkpoint, la peur gagne les soldats de l'armée dès qu'ils voient un gosse s'avancer. Une stratégie qui provoque des dissensions au sein du mouvement. Du côté de l'État islamique, on critique les attaques ciblées contre les musulmans visés par Boko Haram parce que trop modérés ou la méthode criminelle et inhumaine des enfants kamikazes. Aboubakar Shekau est critiqué par l'État islamique et s'il parvient à se maintenir, malgré le net recul annoncé par le pouvoir nigérian, sa position est fragilisée. En réponse, le leader se rattache à sa prise la plus précieuse. Il diffuse de temps à autre, comme au printemps 2016, une nouvelle vidéo où l'on reconnaît certaines des filles de Chibok dont on est sans nouvelles depuis bientôt 2 ans. On réalise alors que la médiatisation de cet enlèvement s'est retournée contre les jeunes filles. Leur valeur est depuis longtemps devenue politique et financière, ce qui complique leur libération. Pourtant, un an plus tard, le 5 mai 2017, après 3 ans de captivité... Ils nous donnaient de très petites quantités de nourriture. Je cuisinais ce que j'avais, je partageais d'abord avec tous les enfants. Souvent, je ne mangeais pas. Les enfants étaient ma priorité. On priait tout le temps parce qu'on ignorait si on serait libéré un jour. Certaines de celles qui refusaient de se marier avec Boko Haram avaient baissé les bras. Elles pensaient qu'elles seraient tuées par les combattants. On ne pensait pas s'en sortir. Quand tu refuses de les épouser, tu as des problèmes. Ils te menottent et t'enferment et ils te fouettent tous les jours. Ils te menacent avec des armes. Certaines n'ont plus supporté la souffrance et ont accepté le mariage. Il aura donc fallu attendre 3 ans pour qu'une partie des lycéennes de Chibok retrouve la liberté. Leur enlèvement avait servi d'électrochoc à la communauté internationale et aux différents pays de la région. Un électrochoc qui a permis une coordination face à l'avancée de Boko Haram. Reste que malgré les défaites, malgré les dissensions, celle qui n'était qu'une secte religieuse est encore aujourd'hui un groupe djihadiste qui sème la terreur et la mort dans cette région de l'Afrique. Yeah, c'est ça même. Love is the answer, love is the key. C'est ça même. Love is the answer, love is the key. C'est ça même. Love is the answer, love is the key. Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo. Love is the answer, love is the key. C'est ça même. Love is the answer, love is the key. Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo. Why can't okay. you love me? Yeah, puisque l'amour est essentiel, donne-moi un seul, je te rends deux. J'ai tant reçu du ciel, tu sais, pourtant j'en demande peu. Y a pas de plus belle punchline, ma sœur demande-le, que de dire Bismillah avec le cœur devant Dieu. Mon fils a de grands yeux, je fais l'effort d'un monde parfait, pour que jamais il confonde ceux qui parlent fort et ceux qui parlent vrai. M'abandonne pas au frais, t'as l'air sournois, les gens qui me connaissent le moins sont souvent ceux qui parlent le plus sur moi. Donne-moi le mic, homie, donne-moi ton mal chronique. Donne-moi tes larmes et je m'alarme comme un alcoolique. Donne-moi ton arme et je suis navré pour le mal commis. Donne-moi Abraham ou donne-moi la bête ou Malcolm X, la vraie valeur de paix, c'est laquelle? J'écris ce texte un 9 janvier et quelques mètres à côté, c'est la guerre. C'est pas la graine de colère qui m'inspire pour mes albums, pour le meilleur et le pire. One love, love is the answer, love is the key. Yeah. Love is the answer, love is the key. Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo? Why can't you love me? Love music, love is the answer, love is the key. Yeah. Love is the answer, love is the key. Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo. Why can't you love me? Yeah, yeah, I'm a believer, for I believe in love, and I believe it's time for us to rewrite the laws. I do believe in justice and freedom of speech, but what is all of that if you can't find no peace? If there ain't no respect and no equality, but prejudice, corruption, and false prophecies. There's war in the West, there's war in the East. What we need is love to kill the beast. He's the soul, the spirit, Yahweh, the maker, divinity, Lord. He's almighty God, Allah, power, master, Jah, brother, prophet, all, the creator. He's the soul, the spirit, Yahweh, the maker, divinity, Lord. He's almighty God, Allah, power, master, Jah, brother, prophet, all, he's the creator. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Boko Haram, avec notre invité Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, spécialiste de la région. Vous revenez tout juste du Nigeria, c'est ça? Oui. Vous êtes revenu quand? Hier. Bien. Alors tout à l'heure, on a une petite inversion dans le récit, mais comme il s'agit d'un récit avec un début, un milieu, une fin et un fil avec une histoire, je ne suis pas intervenu, mais je pense que les auditeurs ont rectifié de même entre François Hollande, président français de l'époque, et Goodluck Jonathan, président nigérian de l'époque également. Alors, où en est ce pays, puisque vous en revenez, et la zone où sévit Boko Haram? Boko Haram a reculé, ils ont perdu du terrain depuis le temps où Goodluck Jonathan était au pouvoir, mettons 2014, mais le groupe n'est pas techniquement défait, comme le prétendait le président actuel du Nigeria, Muhammadu Buhari. Le groupe, en fait, avait déjà des points d'appui dans les pays voisins, et effectivement, à partir du moment où on a mis en place une coalition antiterroriste avec le Niger, le Tchad et le Cameroun, qui sont trois pays francophones, avec qui la France a des accords de défense, effectivement, la zone de combat du groupe s'est étendu, pas simplement sa zone d'influence. Donc aujourd'hui, on a toujours une tension sur cette zone. Maintenant, à l'échelle du Nigeria, si vous voulez, vous avez essentiellement 3 États sur 36 qui sont touchés. Donc c'est pas un conflit qui touche la capitale Abuja et encore moins Lagos, qui est à 1200 km de Maïdougouri, hein, qui est la grande ville du Borno, qui est le fief de Boko Haram. Donc je dirais aujourd'hui que les gens sont plus préoccupés par la baisse des prix du baril de pétrole, parce que le Nigeria est le premier producteur de pétrole en Afrique et que sa principale source de revenus. Et c'est ça qui préoccupe les gens. Les salaires dans la fonction publique sont plus forcément payés. Et le souci tous les jours, c'est beaucoup plus ça finalement que Boko Haram, qui concerne donc 3 États essentiellement sur 36. Est-ce que c'est comme Daesh, c'est-à-dire qu'ils ont des territoires, ils en sont chassés, ils reviennent plus ou moins, ou ils vont dans d'autres territoires, là où ils sévissent sur les 3 États? Est-ce que c'est un petit peu le même mode opératoire, le même fonctionnement? Disons qu'ils profitent de frontières poreuses, ce qui fait que beaucoup, du coup, les considèrent comme un groupe international, qui se serait internationalisé. En fait, ça reste très local. Il y a vraiment une focale médiatique qui est faite sur l'allégeance à Daesh ou de prétendus liens avec Al-Qaïda. Mais en fait, ça n'a rien changé sur le terrain. Daesh, l'État islamique, est un groupe arabe. Souvent, les Arabes méprisent les Africains noirs. Donc, on n'a pas eu de combattants arabes qui sont venus. Pas de tanks en provenance de Mossoul. Pas d'armes plus sophistiqué, pas de liens financiers avérés entre Daesh et Boko Haram. Donc finalement, l'allégeance à Daesh en 2015 n'a pas changé beaucoup de choses sur le terrain, même dans les modes opératoires, si vous voulez. Ça reste quand même une insurrection de va-nu-pied, low cost, si vous voulez. Alors, on va écouter une archive justement à ce propos. Nous sommes en 2016, au début du mois d'août, une archive qui évoque les dissensions justement entre l'État islamique et Boko Haram. Après une année de silence, Aboubakar Shekau, le leader de Boko Haram, a parlé le 3 août dernier pour réaffirmer son autorité. Car de son côté, l'organisation État islamique venait de nommer un nouveau chef à la tête du groupe terroriste, Abou Mossab al-Barnaoui. Joanne Tilouine, vous êtes journaliste au Monde Afrique. La première question qu'on a envie de se poser, c'est comment, depuis Raqqa, l'État islamique peut nommer un nouveau chef à des troupes qui sont à des milliers de kilomètres de là, au bord du lac Tchad? C'est le grand mystère. En tout cas, la nomination semble être actée maintenant. Est-ce qu'elle va être suivie de faits et d'actes? Là est un autre problème. Depuis la nomination, Aboubakar Shekau, qu'on disait autrefois fragilisé, blessé, voire mort pour certains, est réapparu. Il conteste cette nomination. Ce qui transparaît, c'est que pour l'État islamique, sa franchise ouest-africaine semble être à la dérive. Le commandant, donc le leader, le chef, Aboubakar Shekau, s'est effectivement illustré par une absence de stratégie, une absence d'objectif et finalement une absence de vision pour le groupe terroriste. Donc, cette nomination d'Abou Moussab al-Barnaoui par l'État islamique semble être une volonté de reprendre en main et de réorienter les actions. Alors, on a vu qu'effectivement, il pouvait y avoir comme ça un accord. Vous avez expliqué que pour Daesh, Boko Haram, c'était la piétaille, finalement. Hein. C'est bon ça. C'est une logique de communication. Ça permettait d'affirmer que Daesh mettait le pied dans le pays le plus peuplé d'Afrique, la plus grosse économie du continent. Donc pour eux, c'était pas mal. Maintenant, je crois que la vraie question à se poser, c'est pas savoir si Daesh nomme Shekau ou Barnaoui à la tête de Boko Haram, c'est plutôt de savoir si c'est pas plutôt Shekau ou Barnaoui qui vont décider de prêter allégeance à Daesh. Ça, c'est la bonne question. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que c'est les Arabes qui vont tirer les ficelles. Non, les Africains sont des acteurs de premier plan, les Africains noirs au sud du Sahara, au Sahel, et c'est eux qui vont instrumentaliser Daesh, et pas forcément l'inverse. Les deux essayent de tirer leur épingle du jeu. Donc pour Daesh, je vous disais, c'était l'idée de prétendre d'avoir une filiale dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Et pour Boko Haram, c'était l'époque où la coalition antiterroriste des quatre pays la concernait se resserrait son étau. Donc pour eux, c'était une manière de dire, mais attention, on a aussi des alliés à l'international. Hein. Donc ça permettait à la grenouille de se faire plus grosse que le bœuf, si vous voulez. D'accord. Alors, sur les trois provinces où Boko Haram sévit encore, vous le disiez, c'est pas pour les autorités nigérianes et pour le peuple, finalement, le problème numéro un. Sauf les habitants concernés. Ceux-là, par contre. Mais provinces, ça continue, les exactions, les meurtres, les raptes, toutes ces méthodes de terroristes continuent. Trois États essentiellement du Nigeria, un petit peu aussi les régions autour de ces trois États du Nigeria, et puis les régions frontalières, c'est la région des monts Mandara au Cameroun, la région du lac Tchad au Tchad, et puis la région de Diffa au Niger sont aussi touchées de plein fouet. Alors là, ce qui est important quand même aussi de signaler, et c'est une affaire sensible aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de cette focale médiatique sur Daesh, c'est que les forces de sécurité, essentiellement nigériennes, en fait, tuent plus que Boko Haram. C'est-à-dire, si vous voulez, la population ne souffre pas que des exactions de Boko Haram. Elle est prise entre le marteau et l'enclume. Et ça, je crois que c'est très important de le signaler. Alors nous, on a une base de données qui s'appelle nigeriawatch.org. C'est absolument irréfutable. Les forces de sécurité nigérianes ont plus tué que Boko Haram en 10 années de conflit. Et également, la stratégie de la terre brûlée de la coalition antiterroriste, notamment les sanctions économiques, la fermeture des frontières, qui fait que les biens et les flux commerciaux ne peuvent plus circuler entre ces quatre pays, en tout cas dans la zone concernée, tout ça a impacté énormément sur la capacité de résilience de la population, hein. La capacité des paysans à produire leur nourriture, à la vendre, à l'écouler sur les gros marchés nigérians, tout ça est complètement impacté du fait de la stratégie de la coalition antiterroriste. Donc si aujourd'hui il y a crise humanitaire, c'est pas seulement du fait de Boko Haram, mais également des forces de sécurité, ce qui pose aussi des questions d'ailleurs sur les alliances militaires et stratégiques qu'a la France dans la région. Alors j'allais y venir. Voilà, d'abord, ça, juste pas, oui, bien sûr. Mais je voudrais juste parler du faire un détour par le Niger, donc qui est confronté depuis plusieurs années à Boko Haram. Alors pour tenter de l'endiguer, le gouvernement a passé un accord avec les repentis potentiels de ce groupe. S'ils se rendent, ils ne seront pas jugés, mais devront suivre un programme de déradicalisation. Vous connaissez cette affaire-là, ça. Ouais. C'est quoi, ça fonctionne. C'est un vœu pieux. C'est un truc financé par la communauté internationale. Là où il y a de l'argent à prendre, les gouvernements africains ne s'en priveront pas. Donc c'est le truc à la mode, mais qui n'a pas encore montré de résultats. Puis la vraie question, c'est ce qu'il faut déradicaliser les esprits des jeunes musulmans qui auraient rejoint le groupe Boko Haram, ou bien est-ce qu'il ne faut pas plutôt mettre un terme aux raisons qui ont poussé des jeunes à s'insurger, y compris face au comportement inacceptable des forces militaires, je pense surtout aux Nigérians, et puis la corruption, enfin les inégalités sociales. Donc là, c'est une autre forme de réponse. Et là, il y a un vrai débat qui, malheureusement, n'a pas été engagé en France, de la part de nos députés notamment. Est-ce que vraiment l'usage de la force militaire est la meilleure réponse à cette menace djihadiste que l'on connaît aussi au Mali ou dans d'autres pays ? Ça, c'est une vraie question. Alors, on va y venir encore une fois, mais une autre me traverse l'esprit et qui nous renvoie au récit où on racontait, où on expliquait qu'il y avait une partie sud hein, du Nigeria qui avait accès au développement, notamment avec la capitale, et puis au nord, où qui était rurale, pauvre, c'est sur ce terreau-là, évidemment, qu'une organisation comme Boko Haram pouvait s'implanter, pouvait grandir. Et là, la responsabilité endogène hein, du Nigeria est forte d'avoir coupé ce pays en deux avec... schématiquement, quand même le développement au sud et les laisser pour compte au nord. Bon, alors il y a aussi un héritage colonial hein, dans cette histoire. Évidemment, et puis évidemment. La pauvreté suffit pas à expliquer l'émergence de Boko Haram, hein, parce qu'il y avait des régions encore plus pauvres où on n'a pas eu, et musulmanes, où on n'a pas eu de groupes djihadistes. Hein, donc c'est un petit peu plus complexe que ça. La mauvaise gouvernance, clairement, est un des facteurs déterminants. À la fois les débordements, et j'ose pas parler même de dégâts collatéraux, parce que c'était vraiment systématique de la répression militaire, mais également, effectivement, la corruption de la classe dirigeante, ça c'est un vrai problème. J'irais même au-delà, c'est-à-dire je pense que sincèrement, s'il n'y avait pas eu l'exécution extrajudiciaire de Mohamed Youssouf, le fondateur de la secte Boko Haram, par la police nigériane, on n'en serait pas là aujourd'hui. Comprenez-moi bien, et c'est là qu'il y a aussi un défaut dans la pensée de la déradicalisation, où on veut faire croire que un discours religieux radical amènerait forcément à la violence. Il faut qu'il y ait d'autres choses que ça. Et là, l'exécution extrajudiciaire qui a entraîné l'entrée en clandestinité du groupe et sa brutalisation, en plus face à la répression militaire qu'il a en quelque sorte légitimée, là, ça a été vraiment un déclencheur absolument essentiel. Ça, c'est des vraies questions à poser. Et aujourd'hui, vous avez aucun des policiers responsables de l'exécution extrajudiciaire qui n'a été jugé et condamné. Aucun. Voilà, bon, je veux dire, on en est là, on a 20 000, d'après Amnesty International, 20 000 personnes, on parle beaucoup de la captivité des filles de Chibok. En face, vous avez 20 000 personnes qui n'ont jamais été jugées et qui sont enfermées dans des prisons nigérianes. Il y a un gros procès à huis clos qui vient de démarrer. Voilà, posons aussi des questions, pas seulement sur les filles de Chibok, mais également sur les autres victimes de ce conflit, y compris les victimes des forces de sécurité. Ça veut dire qu'avec Mohamed Youssouf, au départ, le gouvernement aurait pu trouver une autre attitude. C'était possible ces aspirations. C'est pas ça que j'ai dit. Mais il y avait une négociation, puisque Mohamed Youssouf, vous l'avez dit vous-même, qui avait négocié avec le gouverneur du Borno. Il y avait eu des échanges, il y avait eu même un fidèle. Voilà. Donc dire qu'on peut pas négocier avec ces groupes, c'est faux. D'ailleurs, sur les filles de Chibok, on sent bien qu'il y a une contradiction dans le discours de Hollande, parce que d'un côté, il dit qu'il faut pas discuter, puis d'un autre côté, il dit j'espère que Boko Haram va tenir ses engagements, et finalement, la faction de Chekao a relâché 82 ou 86 filles de Chibok, hein, je ne sais plus très bien. Donc voilà, il y a des vraies questions à poser sur la gouvernance dans ces pays et sur les armées africaines avec qui la France travaille. Il y a quand même des histoires... excusez-moi, c'est une affaire extrêmement sensible. Il y a quelques mois... Oui, mais on n'en parle pas, donc j'en profite. Allez, voilà. Profitez. Il y a quelques mois, quelques semaines, Amnesty International a sorti un rapport qui montre qu'il y a une caserne dans la région de Maroua au nord du Cameroun. Vous avez à la fois des Américains, des militaires français et des Camerounais. Et les Camerounais réinterrogent par l'usage de la torture des villageois qui sont soupçonnés d'être membres de Boko Haram. Il n'y a aucun écho ici, c'est-à-dire ça pose pas de question de savoir qu'il y a des militaires français avec des militaires américains dans une caserne où l'on pratique la torture. Donc on ne pose pas de question sur les dégâts dont sont responsables nos alliés, avec qui on a des accords de défense, à qui on fournit les armes. Et là, il y a un vrai débat à avoir. À la fois sur la nature militaire de la réponse au terrorisme djihadiste, les raisons de ce terrorisme djihadiste, donc la mauvaise gouvernance, les exécutions extrajudiciaires, la torture en prison, etc. Ce débat, je ne le vois pas. Il n'y a pas eu à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de réflexion à ce sujet. Les rapports produits vont dans le sens, si vous voulez, j'ai l'impression, moi, que la haine des valeurs qu'incarne les djihadistes est telle qu'elle aveugle, en quelque sorte. Donc du coup, on ne pose pas les bonnes questions pour savoir ce qu'il en est de la réponse que l'on propose. Mais ce que je dis vaut aussi sur le montage de l'opération du G5 Sahel, vous savez, qui est censée prendre la suite de l'opération Barkhane avec des armées africaines. G5 Sahel, à la tête duquel on nomme un général chrétien, ce qui est un peu bizarre en termes de signal, puisqu'on va faire la guerre à des groupes djihadistes musulmans. Donc il y a des vraies questions qui se posent à la fois sur la performance de nos alliés africains et sur la responsabilité des gouvernements avec qui on travaille dans le développement de ces groupes de protestation djihadistes. Le djihadisme n'étant jamais finalement qu'un véhicule de dénonciation de ces groupes, quoi qu'il en soit des atrocités que perpétuent ces groupes. Ce qu'il faut évidemment aussi. Quand même aussi le dire. Ah, voilà, absolument. Non, mais on est bien d'accord là-dessus. Hein. Ah, c'est quand même le choix, si j'ose dire, entre la peste et le choléra, quand même. C'est un peu ça. Pour les Nigérians. Ouais. Hein. Ouais. Bon, écoutez, on va continuer à en parler après avoir écouté Scap and Die. On va souffler un peu. Scap and Die, Love. À tout à l'heure. Don't you know that I'm a bad girl raging right across the world? Blow, blow, blow like a volcano, shake my hurricane curls. So if you wanna come and get fresh with me, have you bumping, bumping up and down the street? Don't you know that I'm a hurricane driving all the boys insane? Use their hearts as a weapon and a pistol for their brain. But la la la la love, I just gotta leave. Here's a touch tissue for your touch of tears. Danger, danger, who's up? Play your fingers in the pie. Watch out, honey, ain't no dummy. Deadly love is lie. Question, question, what's their motive? Get him, got him, go. Love him, love him, leave him, leave him. Jihad, Romeo. Antoine Pérouse de Monclos, je rappelle que nous parlons avec vous de Boko Haram, groupe djihadiste qui sévit au Nigeria et dans certains pays frontaliers, Niger, Tchad, Cameroun aussi. Et on disait tout à l'heure, on parlait finalement de l'impéritie du gouvernement nigérian, et puis peut-être aussi d'autres gouvernements africains qui sont confrontés à ces montées djihadistes, alors qu'ils nous disent oui, mais c'est international et puis c'est relié à Daesh, tout ça, on n'y arrive pas. Bon, derrière cette argumentation, il y a peut-être avant tout un aveu de faiblesse, d'échec, de manque de stratégie, de compétences et que sais-je encore. Oui, disons que le discours sur l'internationalisation, qui est également d'ailleurs porté par la France, hein, il faut bien le reconnaître, oui, mais qui s'alimente elle-même des informations fournies par ces gouvernements africains, ça permet en fait à ces gouvernements à la fois de justifier l'échec de leurs armées à mater le groupe, hein, contrairement à ce qu'avait affirmé le président Buhari en 2015 en disant que le groupe était techniquement défait. Non, il n'est pas techniquement défait, il continue de sévir. Et donc, pour expliquer cette défaite, finalement, on vous dit, en fait, on n'y arrive pas parce que c'est pas une secte locale, c'est un groupe qui est lié à Daesh, donc ils ont des financements de Daesh, même s'il n'y a pas de preuves, ils ont des combattants, ils ont des armes plus sophistiquées. Vous avez un discours lancinant aujourd'hui qui veut prétendre que Boko Haram aurait des armes plus sophistiquées. Moi, je vois les photos qui remontent du terrain, les gars, ils chopent une bicyclette, une vieille Kalachnikov, bon, franchement, excusez-moi, c'est pas très sophistiqué. Maintenant, l'intérêt pour les gouvernements africains, qui, encore une fois, alimente la réflexion du ministère des Affaires étrangères en France, de nos dirigeants, c'est aussi que non seulement ça justifie l'incapacité de leur armée à mettre un terme à cette insurrection, mais ça leur permet également de mettre en place des lois antiterroristes qui permettent de réprimer leur opposition pacifique. Par exemple, au Cameroun, vous avez aujourd'hui une loi antiterroriste qui considère comme terroristes des groupes qui manifestent dans la rue, qui font donc obstruction sur la voie publique. Et ça suffit pour que vous soyez classé comme terroriste. Ça permet en plus à des présidents qui, excusez-moi, sont peu démocratiques. Enfin, je veux dire, Paul Biya au Cameroun, notre grand allié, il est au pouvoir depuis 1982, tenez-vous bien, hein, puisque Mugabe est parti au Zimbabwe, donc on a maintenant le vétéran, le record. Idriss Déby au Tchad, ça fait très longtemps aussi. 1990, il arrive au pouvoir par un coup d'État, un coup de force militaire. Donc ça, c'est nos grands alliés dans la région, donc ça perpétue complètement les cycles sur la France-Afrique, les compromissions inadmissibles de notre pays avec des dictatures d'origine plus ou moins militaire. Et ces gens-là ont finalement utilisé la lutte contre le terrorisme international pour justifier, pour se réinsérer sur la scène diplomatique. Aujourd'hui, on ne critique plus la dictature d'Idriss Déby. On ne dit pas de mal non plus du régime en place au Cameroun, parce que ce sont nos alliés dans la lutte contre Boko Haram qui, n'est-ce pas, serait une menace sans commune mesure, qui un jour va aller nous attaquer et détruire la Tour Eiffel. Enfin, je veux dire, on est parti dans des délires, mais bon, quelquefois, les médias aussi contribuent à ce genre d'internationalisation du groupe en prétendant que les filles de Chibok auraient été refilées, revendue, qu'elle serait aujourd'hui prostituée sur les trottoirs en Italie. Il y avait comme ça une histoire du journal du dimanche qui était assez bizarre à lire et qui n'a absolument pas été vérifiée. Donc on est aussi dans ce processus d'internationalisation narrative, si vous voulez, du groupe. Oui, en même temps. Qui ne correspond pas à la réalité sur le terrain. D'accord, mais en même temps, les jeunes filles de Chibok, quand on dit qu'on les a retrouvées comme bombes humaines, kamikazes, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Non, il n'y a aucune preuve que la moindre fille de Chibok ait été utilisée comme kamikaze. Ce qu'on sait, il faut toujours analyser les faits. Hein. Mais c'est j'aimerais qu'il y ait plus de journalistes qui aillent sur le terrain pour regarder. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des jeunes filles qui sont explosées. Ah, ça, c'est absolument indéniable. Et il y en a de plus en plus depuis 2015. Ce qui pourrait d'ailleurs traduire le fait que le groupe ait moins de combattants masculins à sacrifier. Maintenant, le groupe continue de mener des attaques en règle contre l'armée, dont on parle beaucoup moins, puisqu'on se focalise que sur les attentats suicides, et notamment ceux commis par des femmes. Ça, c'est indéniable. Que ces femmes soient des collégiennes de Chibok, là, on a aucune preuve, aucun nom, aucune identité. Donc, ça fait partie des histoires qui sont véhiculées de la même façon que l'on dit que les filles auraient été violées. Or, d'après les négociateurs qui ont permis la libération des 82 ou 86 filles de Chibok, là, il y a quelques mois, aucune n'avait été violée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viol commis par des combattants de Boko Haram, mais pas sur le cas des filles de Chibok qui retient tant l'attention. Nous sommes allés, enfin, la France intervient au Mali. Hein, quel est votre regard sur l'intervention de la France dans ce pays? Pour les mêmes raisons, pour débarrasser le pays du péril fléau djihadiste. Voilà. Alors évidemment, il y a une différence absolument énorme, c'est qu'au Mali, on a des troupes qui sont engagées sur le terrain, ce qui n'est pas le cas au Nigeria. Il y a quelques militaires français qui doivent se balader dans la région. On en a évidemment avec les pays avec qui on a des accords de défense. Hein. Donc dans la coalition antiterroriste sur Boko Haram, c'est donc le Niger, le Cameroun et le Tchad. Hein. On a des accords de défense avec ces pays, mais on n'a pas un déploiement de militaires français pour lutter directement contre Boko Haram. Donc ça fait quand même une différence importante. Maintenant, le challenge, le défi, il est le même. C'est-à-dire qu'on travaille avec des armées qui sont très corrompues, qui sont très peu performantes, qui contribuent finalement à enliser le conflit, qui vont légitimer les groupes djihadistes comme des forces de résistance face à des troupes d'occupation impies, qui plus est avec le G5 Sahel qui sera dirigé par un général chrétien. Enfin, vous pouvez imaginer le genre de... Voilà. Le message qui est lancé. Mais là on se dit, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui est poussée au ministère de la Défense sur le montage de ce G5 Sahel qui est censé prolonger l'opération Barkhane? Et puis, on n'a pas non plus, finalement, de vrais débats pour savoir si l'usage de la force militaire est forcément la bonne réponse à ce défi djihadiste. Je ne le vois pas non plus sur le Mali. Alors qu'évidemment, la question de l'État est absolument essentielle. La question de la pauvreté, mais plus exactement des inégalités sociales. Vous voyez, le sentiment d'injustice sociale me paraît beaucoup plus important que la pauvreté en tant que telle. La pauvreté, elle est partout en Afrique, donc elle n'explique pas en tant que telle pourquoi des groupes djihadistes dans des zones à dominante musulmane apparaîtraient plutôt dans la région du Borno au Nigeria plutôt que à Diffa ou à Sokoto, dans d'autres régions où il y a aussi beaucoup de pauvreté et beaucoup de musulmans. Donc, c'est un peu limité. Mais par contre, le sentiment d'injustice sociale qui est nourri par la mauvaise gouvernance et la corruption de l'élite, hein, de la classe dirigeante, ça c'est un vrai gros débat que pour l'instant on a très peu abordé. Et ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci infiniment Marc-Antoine Pérouse de Monclos pour vos éclairages et votre connaissance, hein, si précise du terrain, car vous en revenez, je le précise. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr. C'était une rediffusion d'Affaires Sensibles sur France Inter. Si vous en voulez encore, rendez-vous sur franceinter.fr et sur votre enceinte connectée Alexa.